Demain il fera nuit. Seulement la nuit, les lumières fuyantes ou stagnantes traverseront le vent noir. Il fera nuit, il fera nuit. Sur ton visage, sur tes jambes disparaîtront dans les ondes. Ton corps les rejoindra parfois. Je ne serai pas ébloui, ou alors par ce phare trop haut, ou ce lampadaire téméraire. Tes mots de nulle part sortiront moins douloureux, sans grimace nauséeuse, sans ce dégoût sur ta moue. Elles chanteront l'été pourtant. Ivre et bêté, je tomberai sur le dos dans le sable au grain noir. La mer lèchera les ténèbres. Je ne serai pas ébloui, j'enverrai ma peine au-delà des étoiles d'Andromède. Je serai poli par la mer, mais tu es bien une pute, et je te hais. Je ne sais pas si oui, j'enverrai ma peine au-delà des étoiles d'Andromède. Je serai poli par la mer, mais tu es bien une pute, et je te hais. Je ne sais pas ébloui, j'enverrai ma peine au-delà des étoiles dans vos mains. Je serai poli par la mer, mais tu es bien une pute, et je te